Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contre-jour de l'exo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus. Retrouver en 2019. J'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet. J'anime cette émission depuis 1984. On est en 2019. Donc oui, ça fait un certain temps. Oui, ça fait longtemps. Et pourtant, j'adore tout le temps. On me dit très souvent, bon, mais quand tu auras fini de faire les Beatles, tu feras quoi? Ben, je continuerai à faire les Beatles puisque ça me passionne toujours, ça vous passionne toujours. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses sur www.rigfm.fr, puisque c'est le plus facile, pour toutes les régions de France, d'Europe, du monde, voire même, m'a-t-on dit, de l'univers. Et puis, pour ceux qui sont dans la région bordelaise, eh bien, c'est sur 90.7 et ça se passe très, très, très bien. On redémarre 2019 avec mon album Chouchou qui attrape ses 40 ans cette année. À 40 ans, on est encore très jeune, je vous assure. Et l'album, c'est Back to the Egg, le fantastique album que même son auteur a, on dirait, un petit peu oublié, alors que c'est un chef-d'œuvre, un album qu'il faut remettre sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, si Paul McCartney ou l'entourage de Paul McCartney m'entend et s'il veut remettre So Glad to See You Here sur l'entrée des concerts, il fera un truc extraordinaire. Ce sera vraiment très très bien. On attaque So Glad to See You Here. Fantastique. Voilà. Bon, dites-lui de m'appeler, Paul McCartney, et puis je me débrouillerai. Donc on écoutera Reception, Getting Closer, We're Open Tonight, Speed It On, Old Siam Sir. J'ai mis le paquet. So Glad to See You Here, forcément. After the Ball, Million Miles, Winter Rose, Love Awake. Et on terminera par Baby's Request. Oui, ça fait plus de 6 chansons, mais c'est mon album chouchou et c'est moi qui décide. Donc il y aura plus de chansons de Paul McCartney extraits de cet album-là. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Star et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Going Down on Love sur Walls and Bridges en 74. Harrison nous chantera Miss O'Dell, c'est une phase B sur Give Me Love, Give Me Peace on Earth de 73. Ringo Starr, ce sera... Voilà, j'ai laissé Paul McCartney vous souhaiter un Happy New Year. Ringo Starr, ce sera It Don't Come Easy, les Beatles, I Saw Her Standing There. Voilà, maintenant, on va laisser tomber le public de cette version live de Rockestra Theme et voici Reception Getting Closer sur RIG. C'est maintenant. Bonne soirée à vous tous et toutes. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something like this. comme pour Abbey Road, arrive le plus dur pour moi, arrêter ce disque et en mettre un autre. C'est parti. John Lennon sur RG. Nous sommes en 1974. John nous offre en levée de rideau sur l'album Walls and Bridges une interprétation émouvante mais contenue d'une chanson qui pourrait pratiquement être sous-titrée La Ballade du Week-end Perdu. Il pleure son amour perdu, déplore son avilissement dans une quête hédoniste futile et appelle à l'aide. En tant qu'album, Walls and Bridges ne déviera pas de la voie tracée par Going Down on Love. Le disque entier est pour John une sorte de De Profundis, une supplique longue et piteuse adressée à Yoko pour qu'elle le sorte de l'abîme. Il y a une touche de nostalgie dans le premier vers, rien ne va nulle part. Pourtant, d'un point de vue créatif, Walls and Bridges va beaucoup mieux que la plupart des albums que John a réalisés alors qu'il était moins malheureux. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et nous restons, non pas dans le même style, mais dans les années 70 avec Ringo Starr, It Don't Come Easy sur RG. Thank you.

mais lorsque je l'ai joué dans à John, raconte-t-il, le lendemain, je me suis aperçu que c'était mauvais, et John aussi, parce que là, ça veut dire elle avait seulement 17 ans, elle n'avait jamais été une reine de beauté, alors on s'est assis, on a essayé de trouver une autre rime, quelque chose de mieux, et de réfléchir un moment, et John finit par proposer « You know what I mean, tu vois ce que je veux dire ». Et c'est un vers qui pouvait passer sans attirer l'attention ou être compris comme un sous-entendu sexuel. C'était également une phrase typiquement liverpooldienne qui leur permettait d'éviter les américanismes forcés qui envahissaient le rock anglais du moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette très très belle chanson du grand Paul McCartney, on va dire, dès le début des Beatles. Je vous propose la suite de l'album de la semaine. On y revient après Reception Getting Closer. Voici We're Open Tonight et... on va même pousser jusqu'à Speed It On parce que c'est trop bien. You know, the kids for days and days. He's been washing the dishes and screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. woke up this morning. Stepping Out, c'est une chanson de John Lennon enregistrée évidemment en prévision de l'album Double Fantasy, mais qui ne sortira que sur l'album Milk and Honey en 1984. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là qui est assez sympathique. Il aurait dû enlever les chansons de Yoko sur Double Fantasy et puis rajouter toutes ces chansons à lui terminées. Ça aurait donné un très très très très très bon album sans doute en 1980 pour le retour de John Lennon sur le devant de la scène. Alors heureusement que vous êtes là et que vous veillez au grain, j'ai effectivement oublié de passer Miss Odell, et après avoir regardé pendant la chanson mon logiciel sur lequel il y a les chansons programmées, eh bien, il est présent, mais il est présent plus loin. C'est une erreur simplement de... Il n'a pas été glissé au bon endroit, donc on écoutera Miss Odell, mais plus tard, de George Harrison. C'est promis, monsieur, dame. Et même pour me faire pardonner, en voici un de plus. Don't Let Me Wait Too Long, George Harrison, en 73 sur l'album Living in a Material World. Et c'est bien entendu sur RG 90.7 qui est la radio des Beatles. I love you, baby, so don't let me wait too long.

What Goes On est l'une des quatre chansons que les Beatles jouèrent à George Martin le 5 mars 1963, lorsqu'ils durent choisir le morceau qui succéderait à Please Please Me, les trois autres étant From Me to You, Thank You Girl et The One After 909. Composée par John quelques temps auparavant, cette chanson fut la seule que George Martin choisit de ne pas enregistrer ce jour-là, et elle fut oubliée jusqu'au 4 novembre 1965, oui, lorsqu'elle fut tirée des cartons, réactualisée pour être chantée par Ringo. Paul et Ringo y ajoutèrent un nouveau couplet, ce qui permet ainsi à Ringo d'être crédité pour la première fois en tant que compositeur. Lorsqu'on lui demanda en 1966 quelle avait été sa contribution, il répondit « Bon, à peu près 5 mots ». L'album de la semaine, Back to the Egg. On monte le son, voici Old Siam, Sir, une de mes chansons préférées de l'album. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Started from the start. Ah oui, c'est vrai, il faut arrêter le disque. Oh là, c'est dur. Vous êtes bien sur RIG 90.7. L'album de la semaine, c'est Back to the Egg, qui fête ses 40 ans cette année, en 2019. Il est sorti donc forcément en 1979. Je voulais vous parler du groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Il s'enrichit de jour en jour. Je ne sais même pas pourquoi, comment ça marche. C'est génial. On en est à peu près 740 membres, alors qu'il y a encore quelques mois, on n'était même pas à 700. Donc c'est très très bien. Merci à vous tous et toutes. Et il n'y a pas très longtemps, sur Facebook, on avait un sujet assez intéressant, à savoir qu'est-ce que les Beatles auraient pu faire si John Lennon était resté en vie, ainsi que George Harrison. Eh bien, moi je dis que, alors ça n'est que mon avis, que lorsqu'en 1995 ils ont décidé de faire les anthologies, ils auraient pu faire les anthologies, certainement, ça se serait fait comme ça, mais peut-être qu'ils auraient pu reprendre des chansons de John Lennon, ou un peu plus de John Lennon, et en faire un album des Three Tills, si on veut, comme vous voulez, mais un album de, allez, 10 chansons, pourquoi pas. Là, on en a 3. On a Free as a Bird, on a Real Love, et on a Now and Then, qui n'est pas officiellement sorti, mais que je vous ai déjà proposé. Donc, c'est déjà bien, mais je pense que 7 de plus, c'était faisable. Quitte à reprendre une chanson en isolant la voix de John Lennon, ça se fait maintenant avec la technique moderne, et voilà. Et puis, il devait y avoir d'autres démos qu'on aurait pu... voilà, on peut rêver. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, pour la peine, eh bien, je vous propose Free as a Bird et Real Love, oui, tout ça pour ça. Souvenez-vous, en 1995, lorsqu'on a entendu cette chanson en boucle sur les radios, personnellement, la larme m'est venue aux yeux, à l'œil et aux yeux. Parce que c'était fantastique d'entendre la voix de McCartney venir supporter celle de John Lennon. C'était extraordinaire. Free as a Bird, montez le son à fond. Vous êtes sous les RIG. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Sur Facebook, bien évidemment, sont élogieux. Ces deux chansons, c'est du Beatles, c'est du vrai Beatles, avec le petit plus de l'année 95 et 96, la guitare qui pleure de George Harrison. La guitare comme ça, il ne l'utilisait pas du temps des Beatles. Donc, ça donnait les Beatles réactualisés dans les années 90. Et bon Dieu que c'était bien, c'était très très bien. Vous êtes sur RIG 90.7 et c'est la saga des Fab Four que vous écoutez. feel something if I just don't know how to feel. How can I give love when I just don't know how to give? How can we go forward when we don't know which way to turn? Entre les bordées révolutionnaires de Power to the People et Sometime in New York City, l'album Imagine représente une pause dans la carrière du porte-parole de la contre-culture John Lennon. À chaque fois qu'il s'exprimait, il avait le don de paraître complètement convaincu. Pourtant, il était fortement enclin à des intervalles de doute. Et How décrit un tel instant. En dehors de son orchestration ouvragée, cette chanson aurait donc logiquement dû faire partie de l'album précédent, l'album Plastic Ono Band. Et ses thèmes ne sont pas inconnus. Absence d'un sens à la vie, peur de la avenir, incapacité émotionnelle, c'était malheureusement tout à fait du John Lennon. Vous êtes bien sur la saga des Fab Four, c'est le nom de l'émission, et c'est RG 90.7, la radio des Beatles. C'est la saga. Fameuse chanson qui aurait dû passer en troisième position, mais que j'ai raté. Miss Odell, George Harrison sur LG. I've run for it. And shoving, ringing on my bell. It's not for me tonight. Why don't you come? Please, Odell. Why don't you call me, Miss Odell? Austin 6922. On change de climat, on va monter le son encore une fois, puisque revoici l'album de la semaine. Et imaginez un concert qui s'ouvre avec cette chanson. Paul McCartney apparaît, tout le monde applaudit, tout le monde hurle de bonheur, et il entonne cette chanson-là. So glad to see you here sur RIG. We'll be right back. 40 ans cet album. Dieu qu'il est bon cet album. J'adore Back to the Egg et je le dirai jusqu'à dans très longtemps. Dans très très longtemps. Vous êtes bien à l'écoute de la saga des Fab Four. C'est l'édition numéro 398. Bientôt la 400, l'air de rien. Hein, on avance. Et il est temps de retrouver la cover. La cover, c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en dehors des Beatles. Et même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un d'autre, si eux l'ont chantée, vous pouvez la chanter et passer dans la saga, ou un autre artiste connu ou pas peut avoir chanté une de leurs chansons et passer dans la saga. La cover de cette semaine, eh bien c'est un artiste, un très grand artiste, j'adore ce gars-là. Il est continuellement en concert alors qu'il n'a pas fait d'album studio depuis une éternité, c'est assez étonnant. Et je vous propose l'extrait de l'album A Matter of Trust, The Bridge to Russia, paru en 2014. Voici Billy Joel sur RIG avec Back in the USSR, la cover de la semaine sur RIG. Fourni par George en 1979. Your Love is Forever sur RIG. You're feeling down, you're feeling blue. You do know that you care, but you don't know what to do. En 1976, extrait de l'album Rotogravur de Ringo. Un album assez bancal, ça faisait partie de ces moments après 74 et jusqu'en 81 où ce qui sort est plutôt mauvais, mais il y a quand même des choses intéressantes comme ce que vous venez d'entendre. Nous allons revenir à quelque chose de très très bien, et je vais arrêter de dire chose, à une chanson qui est vraiment très très bien. C'est John Lennon qui dit justement tout son mal-être. Your Blues en 1968, avec les Beatles forcément. You know the reason why. Wanna die? licks my eyes. The worm, he licks my bone. Feels so suicidal, just like this. Quelques années plus tard, 11 ans plus tard, en 1979, sur l'album Back to the Egg, Monsieur Paul McCartney nous sortait After the Ball, Million Miles. After the ball, you were the one out in the hall. You were the one who would love me after the ball. After the ball, you were the one out in the hall. You were the one who would love me after the ball. Well, I arrived, looked around, but the Mateo. When I get up, up, up in the morning, oh Lord, I know. When I look up, up, up in the evening, oh Lord, I know how many million miles they Je retenais ma respiration, je voulais pas que ça s'entende. Seen them kicking Edgar Allan Poe. extrait de l'album Old Wave en 1983, le moment depuis 1981 où Ringo Starr revenait sur le devant de la scène et de bonne manière, puisqu'il y a de très très bonnes chansons sur cet album-là. On continue, on va plus s'arrêter maintenant, parce que dans quelques minutes, en 22 minutes, c'est quasiment tout de suite, il y aura Johnny de A à Z avec Eric en pleine forme. Disappear. A I've seen that road before. Dernière fois, l'album de la semaine, l'album Back to the Egg, et ce titre extraordinaire sur RG. Winter Rose, Love Awake. On the ground, Faut parler d'un problème récent. Écoutez, ça, ça là, d'accord. c'était au vocodeur en 1982 et c'était bien. Par contre, là. I told you I'd need you all of my life. I'm watching the tugs rolling by together. Do you remember? Do you remember the lights on the shore? How they reflected the rain on the road? I believe that you loved me alone. It was real. Do you remember? Face, I've been wanting a loving embrace. I've been looking for love, but it gets me nowhere. Oh yeah, yeah. Get enough, get enough, get enough. Get enough, get enough, get enough. I can't get enough of you. Was a time we were all full of hope. Saw the future burning bright as we watched the moon rolling out to sea. Do you remember? J'aurais dû mettre le générique pour qu'on soit à l'heure, mais je peux pas laisser Eric sur cette chanson là. Alors on va terminer avec une mieux chantée de 1992 sur l'album Time Takes Time. Three Beatles, What Goes Around, Ringo Starr sur RG. Et pour Get Enough de McCartney, il s'est amusé à mettre de l'autotune et je pense que vous n'entendrez pas souvent cette chanson dans la saga des Pump Four. And she made me think she was mine, all mine, till I looked in her eyes and I read that girl between her thighs. Well, something happened on the way to paradise. But every heartache has its day and every cheated heart pays the price. Let me lead your heart to the promised land. But the girl had a plan, and she left me there for another man. Well, everybody plays the fool now and then, but no exceptions to the rule that it all evens out in the end. When you hear that sound. 22h04 et je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute des programmes de RG et en tout cas à l'écoute tout de suite là, de Johnny de AZ, ça va être très très très bien. Bisous aux filles, moyennement aux garçons, c'était Thierry Gallet pour la Sega des Fab Four, la rentrée, à très bientôt, ciao.